La blonde fille de Léda, j'ai fait quelques bruits dans le monde, Thésée, Arcas, etc. Et pourtant ma nature est bonne. Mais le moyen de résister, alors que Vénus plafre trouves-tu à faire si cascadé-cascadé-là vers-tu? Dis-moi, Vénus, quel plaisir trouves-tu à faire si cascadé-cascadé-là vers-tu? Soucieuse de garder l'honneur de l'époux, mais des circonstances fâcheuses nous font mal tourner malgré nous. Témoin de l'exemple de ma mère, quand elle vit le signaletier, oui, vous le savez, est mon père. Cascadina vers-tu? Dis-moi, Vénus, quel plaisir trouves-tu à faire si cascadina vers-tu? Fatal prison des cieux, il faut lutter contre les hommes, il faut lutter contre les dieux. Vous le voyez tous, moi je lutte, je lutte et ça ne sert à rien, car si l'Olympe veut marcher, trouves-tu à faire si cascadina vers-tu? Dis-moi, Vénus, quel plaisir trouves-tu à faire si cascadina vers-tu? Maintenant, je suis forte. Bacchis ! Bacchis ! Madame ! Fais entrer le seigneur Paris. Bonsoir, prince. Bonsoir, madame. Vous regardez ma toilette ? Oui. Elle me va bien, n'est-ce pas ? Oui, très bien. Quoi de nouveau dans le monde élégant ? Rien que je sache. Vous n'êtes pas aimable ce soir. Vous trouvez ? Vous m'en voulez ? Vous en vouloir ? Et pourquoi ? Parce que je vous ai fait attendre ? Non, je ne vous en veux pas. Ah ? Dites-moi, madame, vous êtes-vous jamais trouvée en face d'un homme qui avait pris une résolution ? Vous me faites peur. Asseyons-nous, madame, et écoutez-moi. Il y a trois moyens d'arriver au cœur d'une femme. Trois moyens ? L'amour d'abord. Voulez-vous m'aimer ? Non. Une fois, deux fois, trois fois. Non. Non ? Passons au deuxième moyen, la violence. La violence ? Oh, vous n'oserez pas. Vous allez voir ça. Ah, comme il m'aime. Princesse ! Et le troisième moyen ? Le troisième moyen, madame, c'est la ruse. La ruse ? Oh, par Hercule, je me suis bien défendue. Quelle est cette musique ? C'est Agamemnon et sa suite. On apporte le jeu de loi. Il faudra que je vous parle. Je suis dans une situation. Après le jeu, princesse. Alors, on va la manger, ce petit doigt ? Oui, nous sommes tous là. Où est donc le seigneur Paris ? Il est parti. Et à ce propos, roi des rois... Quoi, cher enfant ? Si un homme de qui vous auriez tout à craindre... Oui, tout à craindre, vous disait « Il me reste la ruse. Que feriez-vous ? Cherchez un peu. » Je me méfierai. Merci, c'est ce que je fais. Vous avez raison. Rien de Ménélas ? Pas de courrier de Crète ? Non. Allons, tant mieux. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Messieurs, loi vous réclame. À loi, à loi. Qu'est-ce que nous jouons ? 10 mines. Je n'entends rien à tes monnaies de Sparte. Combien cela fait-il en argent, tes 10 mines ? 10 mines, 50 louis. Eh bien, voilà tes 50 louis. On le dit. Papa ! Quoi, mon fils ? Mais pour moi ? Tu as eu ton mois avant-hier. Eh bien, et hier ? Est-ce qu'il n'a pas fallu vivre ? Allons, allons. Il est précoce, ce petit. Je mets pour toi, va. Merci, ma tante. Le jeu est fait, rien ne va plus. Et vous, Calcas ? Quoi ? Payez ! Qu'est-ce qu'il faut ? 10 mines. Voilà, on peut oublier. À vous, roi des rois, commencez. Je joue. 9 par 6 et 3. Je vais au 22. 4 et 3. Je vais au labyrinthe. 5. Le 5, vous tombez sur une oie. 9 par 5, 4. Je vais au 53. Voilà un coup. 6. 2. 2 aussi. 4. À vous, cher seigneur. 5 et 22. 27. Bon, dans le puits. Voilà mes 10 mines. 3. Le berceau de Paris. À moi, à moi. Nous allons bien voir. 5. Une oie. Il y a 3 talents. Et 14 mines, soit 17 000 francs monnaie courante. Faut gagner ça. Mais jouez donc. Je vais jouer, mais laissez-moi le temps d'invoquer les dieux. Le 5, le 6. Où diable ai-je pourrais le 3 ? Eh bien, Calcas ! Le tour est fait. M'y voici. Vous le voyez, j'ai 3. À moi les 3 talents et les 14 mines. Alors tu t'imagines que nous n'avons rien vu. Ce soupçon, roi des rois. Mon bon vieux, tu nous as dupés. Il a sur lui tête épipée. Allons, ça rendait la manoie. Me prenez-vous donc pour une oie. Mon grand bourgure, ce n'est pas bien. Rendez-moi l'argent, et l'on ne dira rien. Je tiens l'argent et ne rends rien. Rendez l'argent, ce n'est pas bien. Je tiens l'argent et ne rends rien. Rendez l'argent, ce n'est pas bien. Craignez Calcas, n'insistez pas. Ça ne se fait pas, craignez Calcas. Craignez Calcas, si vous ne savez pas. Craignez Calcas, craignez Calcas, n'insistez pas. Ça ne se fait pas, craignez Calcas. Craignez Calcas, si vous ne savez pas. Craignez Calcas. Avec ses procédés, cher maître, vous finirez un jour peut-être par donner un fâcheux permis aux joueurs de notre pays. Si ça, Craignez cacasse, n'insistez pas. Ça ne se fait pas craigner quelqu'un. Si c'est cacasse, il faut se battre. Si c'est cacasse, il faut se battre. Craignez quelqu'un, n'insistez pas. Ça ne se fait pas craigner quelqu'un. Si c'est cacasse, il faut se battre. Si c'est cacasse, il faut se battre. D'une maladresse. Ce qui fait le scandale, ce n'est pas de tricher, c'est de se faire pincer. Oh, Calcasse. Oh, j'ai transigé. Ah ? Oui, j'ai rendu la moitié. M'approuvez-vous ? Sans doute. Mais laissons là le joueur, imprudent. C'est à l'augure que je veux parler. Laisse-nous, Bacchis. Bien, madame. Alors, grande reine ? Je vous en prie, restez près de moi. Votre présence me fait du bien. Trop bonne, en vérité. Demandez aux dieux de m'envoyer des songes bienfaisants. Oui, un songe, rien qu'un songe qui me le ferait voir. Ce Paris que je fuis, ce Paris que j'adore. Ce songe, il me le faut, Calcasse. Promettez-le-moi. Pauvre petite femme, la voilà qui s'endort. Elle est gentille comme ça. Oui, très gentille. Mais qui entre là ? Tais-toi ! Un misérable esclave ! Entrez dans la chambre de la reine. Tais-toi, elle se réveillerait. Paris. J'ai dit à la reine que le troisième moyen était la ruse. C'est la fatalité. Allons souper. La déesse a tenu sa promesse. La reine et le berger sont face à face. M'aime-t-elle ? M'aimera-t-elle, cette fière princesse ? Sonnera-t-elle pour moi l'heure du berger ? Je suis seul. Il fait nuit. Ménélas est en Crète et Vénus est pour moi. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, j'y suis ! Les rois qui soupent dans la galerie de Bacchus. Paris près de moi ? Oui, Paris. À cette heure ? Ce ne peut être qu'un rêve. Qu'est-ce qu'elle dit ? Oui, c'est le rêve que tout à l'heure je demandais à Calcasse. Un rêve ? Parfait, si je pouvais passer pour un rêve. Ce n'est qu'un rêve, ce n'est qu'un rêve, ce n'est qu'un rêve. puis répondre princesse. Quand j'ai couronné la déesse, elle était un peu moins, je n'en dirai pas plus. Oui, je comprends. J'ai vu. Quoi donc? Oh, chère Hélène, tu devines. J'ai vu des épaules divines que cachait mal un flot de cheveux blonds. Ce spectacle enchanteur me fait bondir le cœur. Puisque ce n'est qu'un rêve. Mais oui, ce n'est qu'un rêve. C'était donc pas un rêve. Un rêve? Quoi? Ma femme avec un esclave? As-tu fait bon voyage, mon ami? Oui, oui. Ah ça, mais cet esclave, c'est... Un beau pays, la Crète? Oui, oui, c'est le seigneur... Pays de montagne. Vous avez chassé? C'est le seigneur Paris. Et pendant la traversée, la mer pas mauvaise, n'est-ce Comment pas? Comment pas mauvaise? Le seigneur Paris a sorti dans le gynécée seul avec ma femme? À moi! À moi! Taisez-vous donc! Je ne me tairai pas! En pareil cas, cependant, un mari... Un mari ordinaire, soit, mais moi... Je ne suis pas un mari ordinaire. Moi, je suis un mari épique. Raison de plus. Je veux que dans 4000 ans, on parle encore de cette affaire-ci. Pourquoi ça? C'est mon idée. Mais mon ami, les rois sont là, qui soupent à côté. Ah, ils sont là. Si vous faites du bruit, ils vont venir. Qu'ils viennent, c'est ce que je veux. À moi, roi de la Grèce, à moi. Qu'allez-vous faire? Qu'allez-vous faire? En parler qu'à mieux vous se taire. Fauteuil, répondez-moi, roi de la Grèce. d'aller veiller sur la princesse. Qu'avez-vous fait de mon honneur? Qu'avez-vous fait de mon honneur? De mon honneur? Dame, ton honneur. Dame, ton honneur. Dame, ton honneur. Oui, mon honneur. Oui, mon honneur. Que je fais, oh, que je fais de son honneur. Ne criez pas notre cher héros, car c'est un peu de votre faute. Quoi? De ma faute? Oui, de ta faute. Oui, c'est sa faute. Dame, c'est sa faute. Ma faute. Oui, mon ami, de votre faute. Oh, par exemple. Un mari sage est en voyage, il se prépare à revenir. La prévoyance, la bienséance, lui font à devoir l'avertir. Sa femme est près de se faire fête, de le recevoir tendrement. Et voilà comme un galant homme, évite tout désagrément. Un galant homme, évite tout désagrément. Et voilà comme un galant homme, évite tout désagrément. Et voilà comme un galant homme, évite tout désagrément. Il se hasarde à rentrer chez lui tout à coup. Il est le maître, mais c'est peut-être un prudent et de mauvais goût. Car il s'expose à triste chose, rentrer dans un mauvais moment. Et voilà comme un galant homme évite tout désagrément. Et voilà comme un galant homme évite tout désagrément. Seigneur, il faudra pour l'enlever que je revienne. Barbare, c'est du peur, pas plus vite que ça. Barbare, c'est du peur, pas plus vite que ça. La reine.